Je t'ai vu, j'imagine la suite. Je t'ai vu, j'ai compris tout de suite. Trop vite que je ferai le premier pas. Yeah. T'es toujours sur la défensive. Aucun homme sur toi n'a d'emprise. Trop vite, tu fais le vide autour de toi. Yeah. J'ai beau me dire que je ne suis pas de taille. Je fais semblant devant toi comme si c'était normal. Hey. Si jamais c'était possible, j'enlèverais toutes les épines de ta rose juste pour te serrer dans mes bras. Et si jamais c'était possible, j'effacerais tous les mots qui nous opposent juste pour te serrer dans mes bras. Avec ton air impassible, t'approcher semble impossible. Et pourtant je ferai en sorte que la fin du jeu, ce soit nous deux. C'est toi qui fais la difficile, ou moi qui ai le mauvais profil. En tout cas je suis sûr que la fin du jeu, c'est nous deux. J'ai beau me dire que je ne suis pas de taille, je fais semblant devant toi comme si c'était normal. Hey. Si jamais c'était possible, j'enlèverais toutes les épines de ta rose juste pour te serrer dans mes bras. Et si jamais c'était possible, j'effacerais tous les mots qui nous opposent juste pour te serrer dans. J'ai beau sentir le danger, ça m'empêchera pas d'avancer. Toutes les barrières que t'as placées, laisse-moi les retirer. J'ai beau sentir le danger, ça m'empêchera pas d'avancer. Toutes les barrières que t'as placées, laisse-moi les retirer. Si jamais c'est